9. Du testament de Gad concernant la rancœur. Transcription du testament de Gad, des choses qu'il dit à ses fils à la 127e année de sa vie. Je suis le 7e fils né de Jacob, j'étais vaillant à garder les troupeaux. Quand je gardais le troupeau la nuit et qu'une bête sauvage venait contre le troupeau, que ce soit lion, loup, léopard ou ours, je les pourchassais et saisissais leurs pattes par la main, les faisais tourner en rond pour les étourdir, puis je les projetais à 2 furlongs et les tuais. Après 30 jours, alors que Joseph nourrissait le troupeau avec nous, il tomba malade à cause de la chaleur, comme il était délicat, et dut retourner à Hébron vers son père qui le fit s'étendre auprès de lui parce qu'il l'aimait. Joseph rapporta à notre père que les fils de Zilpa et de Bila avaient tué les meilleures bêtes et les mangeront, sans que Juda et Réuben le sachent. Ils m'avaient vu sauver un agneau de la gueule d'un ours que j'avais tué, mais je tuais aussi l'agneau tant j'étais affligé pour lui, car il ne pouvait pas vivre. Nous le mangeâmes et Joseph le dit à notre père. Et pour cette raison, j'étais contre lui par colère le jour où il fut vendu en Égypte, car l'esprit de rancune, haine, était en moi et que je ne désirais pas le voir, ni l'entendre depuis qu'il reprocha devant nos faces d'avoir mangé du troupeau sans Juda. Et quoi qu'il dise à notre père, il le croyait. Mes enfants, je confesse maintenant mon péché, que j'ai souvent désiré le tuer, car que je le haïsse à mort, du fond de mon âme, car je n'avais aucune sagesse, ni pitié pour lui dans mes entrailles. Je l'ai encore plus haï pour ses rêves, et l'aurais englouti dans la terre des 6 vents, comme un veau dévore l'herbe du sol. Voilà pourquoi Juda et moi l'avons vendu aux Ishmaélites pour 30 pièces d'or. Nous en avons caché 10 et montré 20 à nos frères. Ma convoitise me prédisposait totalement à sa destruction, mais le Dieu de mes pères le délivra de mes mains pour que je n'agisse pas injustement en Israël. Écoutez maintenant mes enfants les paroles de vérité, pour agir avec justice dans la loi du Très-Haut et ne pas vous écarter dans l'esprit de rancune, haine, et faire le mal par les actions humaines. Car quoi qu'un homme fasse, le rancunier le déteste et ne louange pas le bien qu'il fait par la loi du Seigneur. Il ne l'aimera pas et dénigrera la vérité même, si celui-ci craint le Seigneur et prend plaisir à ce qui est droit, car il est envieux de celui dont la voie est droite, se réjouit à dire du mal, et affectionne l'arrogance. La rancœur aveugle son âme de la même façon que je voyais Joseph. Oui, mes enfants, méfiez-vous du rancunier haineux par son action injuste contre le Seigneur même. Il n'entend pas les paroles prescrites sur l'amour de son prochain et pèche contre Dieu. Si un frère trébuche, il voudra aussitôt le dire à tous, empressé qu'il en soit jugé, puni, et exécuté. Et si c'est un serviteur, il l'accusera auprès de son maître ou inventera sur lui toutes sortes de problèmes pour le faire exécuter. La rancœur agit avec jalousie jusqu'à devenir malade de jalousie envers ceux qui prospèrent à bien faire, qu'en vu et entendu. Comme l'amour veut rendre la vie aux morts au point d'affranchir ceux qui sont condamnés à mort, la rancœur massacre la vie au point de ne pas endurer la vie de ceux qui la vexent pour la moindre chose. L'esprit de rancune agit en accord avec Satan par un esprit empressé de mort d'homme en toutes circonstances, tandis que l'esprit d'amour agit en accord avec la loi de Dieu pour la délivrance des hommes avec persistance. La rancœur est mauvaise parce qu'elle parle contre la vérité et se maintient en permanence dans le mensonge. Elle grossit les petites choses, considère l'obscurité comme lumière, appelle doux la mer et enseigne calomnie, guerre, violence et tout excès de mal. Elle remplit le cœur d'un malfaisant poison. Je vous dis ces choses par expérience pour que vous fuyiez la rancœur, mes enfants, et inclinez dans la droiture et l'amour du Seigneur pour repousser la rancœur. L'humilité la détruit, et celui qui est humble est juste a honte d'agir de travers, car son propre cœur le réprouve, non autrui, et son intention est vue le Seigneur. Il ne parlera pas contre un homme par crainte du Très-Haut et maîtrisera la rancœur par peur d'offenser le Seigneur. Il ne fera aucun mal à personne, pas même en pensée. Ces choses je les ai apprises en dernier, après m'être repenti au sujet de Joseph à la suite d'une pieuse pénitence. La vraie repentance détruit l'incertitude et chasse la noirceur. Elle éclaire les yeux de l'âme et porte à la connaissance, qui guide l'esprit au salut. J'ai appris ces choses par la repentance, je ne les ai pas apprises des hommes. Dieu avait envoyé sur moi une maladie du cœur, et s'il n'y avait eu l'intervention des prières de mon père Jacob, aurait-il à peine échoué, mon esprit aurait quitté. Un homme est puni par les mêmes choses qu'il a transgressées en ce que mon cœur était sans merci pour Joseph, ainsi mon cœur souffrit sans merci pendant 11 mois où je fus jugé aussi loin que j'étais jaloux de Joseph à quand il fut vendu. Malgré que je parlais tranquillement avec Joseph en présence de notre père, dès que je tournais le dos, l'esprit de rancune obscurcissait mon esprit et dirigeait mon esprit à le tuer. Aimez chacun votre frère, mes enfants, repoussez la rancœur de vos cœurs en vous aimant fermement les uns les autres par la parole et par pensée d'âme. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Si un homme pêche contre vous, parlez-lui en aimablement et sortez le poison de la rancune. N'encouragez pas la tromperie dans votre âme. S'il confesse et se repent, pardonnez-lui. Et s'il le nie, ne vous acharnez pas avec lui de crainte qu'il jure que vous péchiez du double. Dans votre démarche, ne laissez pas un étranger entendre vos secrets de crainte qu'il vous haïsse, il deviendrait votre ennemi et accomplirait de grands péchés contre vous. Le plus souvent le rancunier parlera avec vous avec malice, ou il vous contestera méchamment en prélevant en lui son poison. Cependant, s'il nie et garde silence, il se condamne lui-même en se mettant dans la honte. Ne le relancez pas, car celui qui nie se repent pour ne plus vous faire du tort, oui. Il vous respectera avec crainte et sera en paix avec vous. Mais s'il est sans honte et reste dans sa mauvaise foi, pardonnez-lui quand même dans votre cœur et donnez la vengeance à Dieu. Ne soyez pas affligés si un homme prospère mieux que vous, mais priez aussi pour qu'il ait une prospérité réprochable, car cela est convenable pour vous aussi. Ne soyez pas jaloux s'il est plus exalté, mais souvenez-vous que toute chair meurt et rendez gloire à Dieu, qui donne des choses bonnes et profitables à tous les hommes. Recherchez les jugements du Seigneur et qu'ainsi votre esprit repose dans la paix. Pensez que même si un homme devient riche par de mauvais moyens, comme Ésau le frère de mon père, ne soyez pas jaloux, mais attendez pour la fin du Seigneur, qui s'emparera de bénéfices du méchant ou les laissera aux repentants, ou encore, réservera aux non-repentants le châtiment à jamais. L'homme pauvre libéré de jalousie adresse des remerciements au Seigneur en toutes choses, car riche est celui qui parmi les hommes n'a pas la jalousie malsaine des hommes. Pour vos âmes, mettez la haine de côté et aimez-vous les uns les autres avec un cœur droit. Dites ces choses, vous aussi, à vos enfants, et qu'ils honorent Juda et Lévi, car d'eux le Seigneur élèvera un sauveur pour Israël. Mais je sais qu'à la fin vos enfants se sépareront d'eux et marcheront dans le mal, en tromperie et corruption, devant le Seigneur. Et après qu'ils se soient reposés un court instant, Il leur dit encore, obéissez à votre père, mes enfants, et enterrez-moi auprès de mes pères. Il étira ses pieds et tomba paisiblement endormi. Et après 5 années ils le portèrent et le couchèrent en Hébron avec ses pères.